Tout comme le français, le chinois fait la différence entre des mots tels que « ceci »,« cela » et « ce »,« cet » en fonction de leur rôle dans la phrase. Si vous voulez dire « ceci est un livre » ou « cela est un livre », alors prenons par exemple « cela est un livre », il suffit de dire « 那是书 ». Mais faites attention à ce qui se passe quand on dit « ce livre-là » au lieu de « cela est ». Donc, ce livre-là se dit « 那个书 ». On pourrait dire « c'est un homme » ou « c'est une personne » en sachant qu'il n'est pas nécessaire de traduire « un » ou « une ». Donc, dites-moi « celui-là est un homme ». Na shi ren. Celui-là est un homme. Na shi ren. Mais si nous disons cet homme-là, cette personne-là, ça devient na ge ren. Est-ce que ke est une autre sorte de mot vide? Oui, c'est bien ça. Et ge est au ton neutre. Point fermé. Oui, c'est ça. C'est un livre. Ceci est un livre. C'est un livre. Comparons-le maintenant à ce livre-ci. Ce livre. C'est un homme. Un homme ou une personne. Alors dites littéralement, celui-ci est personne. Zhe shi ren. Zhe shi ren. Comparons-le à cet homme ou cette personne. Comment traduirez-vous cet homme? Zhe ge ren. Zhe ge ren. C'est un professeur, ce qui donne littéralement « celui-ci est professeur ». Comparons à « ce professeur ». Comment direz-vous « ce professeur » ? C'est un ami. Dites littéralement, celui-là est ami. Na shi peng you. Na shi peng you. Comparez-le à cet ami-là, que vous direz. Ne ge peng you. Il faut dire na ge. Qui est cette personne-là? Dites littéralement, cette personne-là est qui? Cette personne-là est qui? Cette personne-là est qui? Cette personne-là est qui? Qui est cette personne-là? Alors cette fois encore, nous allons remplir un blanc. Le chinois compte beaucoup de ces structures de remplacement avec des blancs à remplir. Le mot pour femme se dit en chinois nu, nu, verrouche de la victoire, u, nu. Alors imaginez que vos lèvres s'avancent comme si vous vouliez embrasser une femme nue. Nu. C'est ça. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Précisons que ce mot qui désigne la femme ou tout ce qui est féminin n'est jamais utilisé seul. Il est toujours associé à un autre mot. Donc, pour parler de sa petite amie, on dira... Vous l'ajoutez avant ou après ami? Il faut l'ajouter avant le nom. C'est-à-dire ici, avant ami. Nu. 朋友。 女朋友。 Dites, oh, c'est ma petite amie là. Alors dites, oh. Oh. Excellent. Dites maintenant, c'est ma petite amie là. Na, shi. Na, shi. Nu, peng, yo. Et c'est la petite amie de qui? Ma petite amie. Na, shi, wo, de, nu, peng, yo. Oh, c'est ma petite amie. Oh, na, shi, wo, de, nu, peng, yo. Cette personne ou cet homme est-il ton professeur? Alors d'abord, cet homme est. Ton professeur suivi du mot interrogatif. Ni de lao shi ma. Cet homme est-il ton professeur? Zhe ge ren shi ni de lao shi ma. Cette personne ou cet homme est mon professeur et mon ami. Donc, vous en faites deux phrases, c'est ça? En fait, quand nous avons deux noms côte à côte, comme professeur et ami, on peut utiliser le mot « et ». C'est seulement quand nous avons deux idées séparées qu'on ne l'emploie pas. Bien, alors encore une fois, cet homme est mon professeur et ami. Cet homme est... 这个人是我的老师也朋友。 Comment dites-vous et hein, mon bébé me réveillait la nuit avec ses interminables a. Re. Et donc reprononce là depuis le début. Cette personne est mon professeur et ami. 这个人是我的老师和朋友。 En français, on peut dire aussi bien cet homme est mon professeur et ami et cet homme est mon professeur et mon ami. Ils communiquent la même idée. On peut également dire les deux en chinois et vous serez très bien compris en disant cet homme est mon professeur et ami. En chinois, beaucoup de choses sont basées sur ce qui a précédé, ce qui compose le contexte. Et nous savons donc que nous parlons de mon ami et à moins de vouloir dire son professeur, le professeur de quelqu'un d'autre, on suppose qu'il s'agit de mon professeur. Alors, cette personne est mon professeur et ami se dira 这个人是我的老师和朋友。 Maintenant dites, je voudrais le voir. Alors, je voudrais, j'ai envie de. 我想 le voir, voir lui ou il. 认他 Comment dites-vous voir, rencontrer? 认 C'est.Tien. Ren. En fait, il y a un petit i au milieu. Tien. C'est ça. Tien. Je voudrais le voir. Wo xiang jian ta. Pourquoi? Wei shenme. Pourquoi? Wei shenme. Maintenant, dites. Pourquoi veux-tu parler français maintenant? Pourquoi? Wei shenme? Tu? Ni? Maintenant? Xianzai? Veux-tu parler français? Xiang shuo fa wen. Pourquoi veux-tu parler français maintenant? 为什么你现在想说法文? Comment direz-vous? Cet homme-là est mon professeur et il parle un peu français. Alors, cet homme-là 那个人 est mon professeur 是我的老师 Ici, nous allons ignorer le « et ». Alors dites, il parle un peu français. Ta shua hi yi dier fa wen. Comment dites-vous un peu? Yi dier. Attention, c'est yi dier. Yi dier. Oui, rappelez-vous, pour les Chinois, Napoléon est l'empereur. Yi dier. Alors, cet homme-là est mon professeur et il parle un peu français. 那个人是我的老师。他说一点法文。 Dites-moi, il voudrait parler le chinois, mais il est trop occupé. Et rappelez-vous la règle des deux syllabes. Donc, il voudrait, il a envie de... Ta... xian... Parler le chinois, et inutile de traduire le ici. Shuo... Zhong... Wen... Mais il est trop occupé. Que... Shi... Ta... Shi... Tai... Mang... Bien, alors faisons un petit retour en arrière. Comment dites-vous occupé? Mang... Et en chinois, occupé est un adjectif à moteur intégré. Il signifie être occupé. Ah, on n'a pas besoin de shi... Exactement. Il, trop occupé. Ta... Ren... Mang... Non, qu'est-ce que vous avez dit? Il est comment occupé? Que signifie « han » ? Très. Et ici, je voudrais entendre « il est trop occupé ». Ta... Tai... Mang... Alors encore une fois, reprenons la phrase. Il voudrait parler le chinois, mais il est trop occupé. Alors d'abord, il voudrait... a envie de parler. Ta xiang shuo langue chinoise zhong wen mais il est trop occupé. Ke shi ta tai mang il voudrait parler le chinois mais il est trop occupé. 他想说中文，可是他太忙。